9-21. Observation, quelqu'un, une personne. Un monsieur, c'est quelqu'un, c'est une personne. Une dame, c'est quelqu'un, c'est une personne. Un jeune homme, c'est quelqu'un, c'est une personne. Une jeune fille, c'est quelqu'un, c'est une personne. Notez que quelqu'un est toujours masculin, même si quelqu'un représente une personne du sexe féminin. Une dame, une jeune fille. Notez qu'on dit une personne au féminin, même quand on parle d'une personne du sexe masculin. Un monsieur, un jeune homme.